Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Question 96. Des auréoles. L'auréole est la couronne. L'auréole est le fruit. L'auréole est due aux vierges, aux martyrs et aux docteurs. Pourquoi elle n'est due ni au Christ, ni aux anges? Elle rejaillira sur le corps. Trois sortes d'auréoles. Quelle est la plus belle? Différence dans la même auréole. 1. L'auréole est-elle la même chose que la récompense essentielle appelée la couronne? La couronne est due au combat terminé par la victoire. Ne sera couronné, a dit saint Paul, que celui qui aura légitimement combattu. 2. Timothée 2, 5. On peut induire de là que ceux qui ont livré des combats d'une difficulté spéciale ont droit à une couronne distinctive, que nous appelons auréole. Il y a, quoi qu'en aient pu dire certains auteurs, une différence entre l'auréole et la couronne. La récompense essentielle de l'homme, la béatitude suprême, est appelée une couronne, tant parce qu'on l'acquiert par un combat que parce que celui qui la mérite participe en quelque sorte de la nature divine, et par là même de la puissance royale dont la couronne est le signe propre. La récompense accidentelle qui s'ajoute à la béatitude présente aussi l'idée d'une couronne, mais, comme tout ce qui s'ajoute à la chose essentielle lui est inférieur, elle a été désignée par le diminutif d'auréole. Plusieurs appliquent ce mot à la gloire du corps, tel n'est pas le sens dans lequel nous l'entendons maintenant. L'auréole consiste dans la joie qui provient de certaines œuvres excellentes que l'on a faites. Superposée à la couronne, elle est le signe d'une victoire imminente. Note. L'auréole rend la béatitude plus éclatante. Elle est par rapport au bonheur suprême ce qu'est pour le bonheur temporel l'éclat de la naissance, la beauté du corps et les autres choses du même genre. Fin de la note. 2. L'auréole diffère-t-elle du fruit? L'auréole se divise, comme on le verra bientôt, en auréole des vierges, auréole des martyrs, auréole des docteurs, et le fruit se divise en fruit de la continence conjugale, de la viduité et de la virginité. L'auréole et le fruit ne sont donc pas la même chose. La couronne désigne la joie de la possession de Dieu, l'auréole, la joie produite par la perfection des œuvres. Le fruit, la joie du profit que l'on a retiré de la parole de Dieu, en s'avançant dans les voies spirituelles. Voilà comment le fruit diffère de la couronne et de l'auréole. Note. L'auréole est accordée aux œuvres par lesquelles on imite la victoire parfaite de notre Seigneur, le fruit est la récompense du renoncement à la vie charnelle. Fin de la note. 3. Le fruit ne répond-il qu'à la vertu de continence? Le fruit est une récompense due à l'homme pour son affranchissement des plaisirs de la chair et pour son avancement dans la vie spirituelle. Il faut conséquemment qu'il réponde surtout à la vertu qui nous affranchit davantage des entraves de notre corps. Or cette vertu, c'est la continence, car les plaisirs de la volupté asservissent l'âme au corps, à tel point que, sous leur empire, il est impossible de rien comprendre. Pour cela même, le fruit répond à la continence plutôt qu'à toute autre vertu. Note. Le plaisir que causent les aliments, quoique plus nécessaire à la conservation de l'individu, ne soumet pas l'âme au corps autant que celui qui a pour but la conservation de l'espèce, il n'a pas la même violence. Fin de la note. 4. Est-il convenable d'assigner trois sortes de fruits aux trois parties de la continence? Bède assigne avec raison trois sortes de fruits aux trois parties de la continence. 30 pour un à la continence conjugale, 60 à celle des veuves, 100 à celle des vierges. L'homme s'élève à la vie spirituelle à proportion de son renoncement à la chair. Or, il y a une spiritualité nécessaire et une spiritualité suréminente. La première a lieu chez ceux qui n'usent des plaisirs charnels que dans l'ordre rationnel. Telle est la spiritualité nécessaire aux personnes mariées. La seconde consiste à renoncer totalement à ces sortes de plaisirs, soit pour un temps quelconque, ce qui est la spiritualité des vierges, ou pour un temps limité, et c'est la spiritualité des veuves. Sur ce fondement, à la continence conjugale sont attribués 30 fruits pour un, à celle des veuves 60, et à celle des vierges 100. Note. Quand saint Paul parle de 12 fruits, dans son épître aux Galates 5, il n'entend pas ce mot dans la signification que nous lui donnons ici. Fin de la note. 5. L'auréole est-elle due à la virginité? À la virginité, qui remporte une victoire éminente sur la chair, appartient l'auréole. Les théologiens sont d'accord à cet égard, mais, quand il faut déterminer à quelle sorte de virginité l'auréole est due, plusieurs disent que toute personne qui aura gardé réellement la virginité l'obtiendra, si elle est du nombre des élus. D'autres, qu'une telle couronne est destinée uniquement aux vœux de chasteté perpétuelle. Tout cela n'est pas parfaitement exact. La virginité rentre dans la vertu, en tant que la perpétuelle intégrité de l'âme et du corps provient de l'élection de la volonté mue par la charité. C'est pourquoi l'auréole est due à toutes les vierges qui ont résolu de garder la chasteté perpétuelle, qu'elles aient ou qu'elles n'aient pas confirmé leur dessein par un vœu. Ceci s'applique à l'auréole proprement dite, qui est une récompense accordée au mérite. J'ajoute que, quand cette résolution aurait subi une interruption momentanée, pourvu qu'elle existe à la fin de la vie avec l'intégrité de la chair, l'auréole ne lui sera point défaut, la virginité de l'âme est susceptible d'être réintégrée, bien qu'il n'en soit pas de même de celle du corps. Mais si, dans un sens large, on appelle l'auréole une joie quelconque ressentie en sus de la joie essentielle de la patrie céleste, l'auréole appartiendra à tous ceux qui auront conservé la virginité corporelle, alors même qu'ils n'auraient pas résolu de la garder pour toujours, ils se réjouiront de leur intégrité corporelle, comme se réjouissent de leur innocence ceux qui n'ont pas eu la possibilité de pécher, par exemple, les enfants morts immédiatement après le baptême. Note. La virginité a droit à l'auréole en ce qu'elle emporte l'idée d'une prééminence sur les autres degrés de continence dont nous parlions plus haut. Vainement l'on dirait que les veuves ont plus de difficultés que les vierges à s'abstenir des plaisirs charnels. La victoire la plus complète et la plus belle, c'est de n'avoir jamais cédé à l'ennemi. La Sainte Vierge possède l'auréole, comme les autres membres de l'Église qui ont gardé la virginité. Si elle n'eut pas à combattre les tentations de la chair, elle eut du moins à soutenir un combat de la part du démon, qui ne craignit pas d'attaquer le Christ lui-même. Quant aux personnes opprimées par la violence, elles ne perdent, dans l'outrage fait à leur corps, ni l'auréole, ni la virginité, pourvu qu'elle garde d'une manière inviolable la résolution de persévérer dans la chasteté et qu'elle refuse tout consentement à l'iniquité. Si tu ordonnes que je sois outragé malgré moi, disait sainte Lucie, ma chasteté me sera comptée double pour la couronne, en d'autres termes, je recevrai deux récompenses, l'une pour ma virginité, l'autre pour l'injure que j'aurai subie. Fin de la note. 6. L'auréole est-elle due au martyr? Personne que je sache, disait saint Augustin, n'a osé mettre la virginité au-dessus du martyr. puisque la couronne est due à celui qui a combattu, et que le martyr soutient un combat d'une difficulté particulière, il lui est dû une auréole de distinction. S'il existe contre la concupiscence intérieure un combat de l'esprit où la victoire mérite une auréole, il en existe également un contre les persécutions du dehors, dans lequel la victoire nous donne droit à une semblable couronne. Cette victoire s'apprécie à deux points de vue. D'abord, à celui de la grandeur même des souffrances endurées, et ici la mort occupe le premier rang, triompher de la mort et de ses supplices, c'est remporter la victoire la plus parfaite. Ensuite, au point de vue de la cause du combat, et, sous ce rapport, la plus noble des causes est celle qui porte à combattre pour le Christ lui-même. Ainsi, la mort acceptée pour l'amour du Christ, voilà proprement le martyr. Il lui est certainement dû une auréole aussi bien qu'à la virginité. 7. L'auréole est-elle due au docteur? Les docteurs auront une récompense spéciale, qui reçoit aussi le nom d'auréole, car si, par la virginité et par le martyr, on remporte une victoire éminente sur la chair et sur le monde, cela obtient un triomphe non moins parfait sur le démon, qui, avec les armes spirituelles de la prédication et de l'enseignement, le bannissent non seulement d'eux-mêmes, mais encore des autres hommes. 8. L'auréole est-elle due au Christ? La couronne appartient éminemment au Christ, mais il ne semble pas qu'il en soit de même des auréoles. Ce mot, en effet, exprime, par son étymologie, une participation à la perfection de celui-là même qui possède toute perfection avec plénitude. Or tel est le Christ, en qui se trouvent réunies toutes les perfections, la source de toute victoire et la cause même des auréoles, comme on le voit par cette parole, « Celui qui aura vaincu, je le ferai asseoir sur mon trône. » De même que moi qui ai vaincu je me suis assis sur le trône de mon Père. Apocalypse 3:21. Il y a donc dans le Christ, non l'auréole même, mais quelque chose de supérieur. 9. L'auréole est-elle due aux anges? Ceux-là seuls ont droit à l'auréole qui ont combattu, et elle ne leur est due que pour les mérites où leur corps a eu quelque part. Les anges, qui n'ont pas combattu et qui n'ont pas de corps, jouissent uniquement de la gloire essentielle. 10. L'auréole est-elle due au corps? L'auréole est la joie éprouvée au sujet des œuvres particulières qui l'ont méritée, elle existe principalement dans l'âme, d'où elle répand sur le corps un certain éclat. Note. Il ne faut pas confondre l'auréole avec les cicatrices qui brilleront sur le corps des martyrs. Les martyrs morts dans les flots, ou par le supplice de la faim, ou dans les cachots, posséderont l'auréole sans avoir aucune cicatrice sur leur corps. Fin de la note. 11. Convient-il de distinguer trois sortes d'auréoles, celle des vierges, celle des martyrs, et celle des docteurs? On distingue avec raison trois auréoles, qui correspondent aux trois principales luttes dans lesquelles les hommes remportent les plus éclatantes victoires. Or, dans la lutte contre la chair, celui-là remporte la plus grande victoire qui s'abstient entièrement des plaisirs charnels, de là l'auréole des vierges. Dans le combat contre le monde, la victoire la plus éclatante, c'est de résister aux persécutions jusqu'à la mort, d'où l'auréole des martyrs. Dans le combat contre l'enfer, la principale victoire est d'éloigner le démon de soi et des autres par l'enseignement et par la prédication. Voilà pourquoi il est une troisième auréole pour les docteurs et pour les prédicateurs. 12. L'auréole des vierges a-t-elle la prééminence sur les autres? La prééminence d'une auréole sur une autre peut se considérer sous le double aspect de la lutte et de l'objet de la lutte. Au point de vue de la lutte, l'auréole des martyrs et celle des vierges ont l'une et l'autre une certaine supériorité. D'un côté, la lutte des martyrs est par elle-même forte et cruelle. De l'autre, la lutte contre la chair est pleine de dangers, à raison de sa durée et de son rapprochement. Au point de vue de l'objet de la lutte, l'auréole des docteurs est la première de toutes. Leur lutte a pour objet les biens intelligibles, tandis que les autres combats se rapportent aux passions sensibles. Quoi qu'il en soit, la lutte des martyrs étant, absolument parlant, la plus rude et la plus violente, leur auréole l'emporte sur toutes les autres. Aussi notre Seigneur semble-t-il couronner toutes les béatitudes par celle-ci, bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice. De là vient que l'Église range les martyrs avant les docteurs et les vierges. Malgré cela, les autres auréoles peuvent l'emporter à certains égards. 13. L'auréole est-elle plus belle chez l'un que chez l'autre? Les récompenses s'accordent dans la proportion des mérites. Le mérite qui donne droit à l'auréole étant plus ou moins grand, l'auréole doit être plus ou moins brillante. Remarquons-le cependant, les mérites peuvent être grands de deux manières, du côté de leurs racines, et du côté des œuvres. Il arrive parfois que, de deux personnes, celle qui a le moins de charité endure un martyre plus cruel, ou bien s'applique davantage à la prédication, ou enfin se tient plus éloigné des plaisirs charnels. L'auréole étant en rapport avec le mérite considéré comme provenant du genre des œuvres, tandis que la couronne correspond au mérite pris dans sa racine, c'est-à-dire dans la charité. Tel martyr qui aura mérité moins qu'un autre pour la récompense essentielle, pourra recevoir néanmoins une auréole plus belle. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.